L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes. N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info. Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel. Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedeslutte.info. Voilà, donc on est au taquet et on va reprendre cette année en cuisinant Nadia aujourd'hui pendant toute cette heure autour du livre qu'elle a écrit il y a 10 ans mais qu'elle a republié il y a un mois qui s'appelle « À ceux qui se croient libres » et qui traite de la réalité de la prison et des luttes anticarcérales. Nadia, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Comme militante anticarcérale, j'ai commencé en à peu près 1985-6 parce que d'abord mon frère était incarcéré et puis du coup ça m'a poussée à m'interroger davantage sur ce qu'était la prison, à qui elle servait, comment elle fonctionnait. Et du coup, assez rapidement, j'ai participé à la création d'une association de parents amis de détenus. Et j'ai participé à une radio, à une émission de radio qui s'appelait à l'époque Parloir Libre. Et puis, j'ai participé à la création d'un collectif pour l'abolition de l'isolement carcéral. Et puis, on a à l'époque donc soutenu les luttes qui se passaient à l'intérieur par l'intermédiaire donc de Parloir Libre, qui était une émission de radio qui donnait la parole aux prisonniers, qui relayait leurs luttes et qui permettait donc du coup d'informer sur ce qui se passait à l'intérieur et les luttes qui s'y menaient. Et depuis, j'ai participé à la création de l'Envolée dans les années 2000. Et puis, vers 2007, du coup, j'ai un peu freiné, arrêté, quitté l'Envolée. Et puis après, j'ai repris avec un ancien prisonnier qui s'appelait Q, qui témoigne d'ailleurs dans le bouquin. Et puis, donc, on a repris une émission mensuelle avec l'Envolée. Et puis, depuis, je continue à m'intéresser aux questions carcérales. À travers toutes ces différentes expériences, à quel moment et pourquoi tu t'es dit déjà la première fois qu'il fallait écrire ce livre ? Parce que, d'abord, ça, c'est une relation personnelle. Moi, j'ai pas été pas mal à l'école. J'ai quitté assez vite la terminale, donc je suis pas une écrivaine. Mais il se trouve qu'en 2007, un prisonnier que je connaissais très bien, puisqu'il avait participé aux luttes anticarcérales de toutes les années 80, qu'il avait aussi été proche, puisqu'il avait commis un braquage avec mon frère. Donc du coup, on avait établi des relations plus personnelles ensemble. J'avais été le voir en prison. Et c'est quelqu'un qui avait une manière de parler. C'est quelqu'un qui n'avait pas été aussi à l'école. Et du coup, il avait une manière de parler, de relater, de raconter tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il vivait à l'intérieur, d'une manière qui m'avait particulièrement touchée. Je trouve que c'est quelqu'un qui avait une manière politique de parler de la prison, à la fois en partant de son expérience propre, mais en même temps en l'incluant dans une critique beaucoup plus globale et en essayant de ne pas parler seulement en son nom, mais à travers lui, et il tentait de parler de la condition carcérale pour le plus grand nombre, en tous les cas pour ceux qui se battaient. Thierry Chadby s'est suicidé et ça m'a laissé... j'étais absolument bouleversée par ce suicide. Il s'est tiré une balle dans la bouche à sa sortie de prison. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a poussée à essayer de comprendre pourquoi il avait fait ça. Et du coup, comme c'est quelqu'un qui avait énormément témoigné, qui avait laissé beaucoup de témoignages, j'avais beaucoup interviewé Thierry, il dessinait, enfin j'avais beaucoup de matériel sur lui. Et pour moi, ça a été quelque chose d'évident et d'indispensable de à la fois parler de ce qui s'était passé dans les prisons dans les années 80, parce que c'est quelque chose qui était peu connu, et en même temps de parler à travers son témoignage de tout ça, quoi. Parce que je trouvais qu'il en parlait très bien et qu'il permettait d'avoir une vision, comment dire, pour ceux qui connaissent pas la prison, quelque chose d'incarné, une critique incarnée de la prison à travers son témoignage. Eh ben, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter une petite présentation de l'ouvrage qui avait été faite à sa première publication, et puis on revient tout de suite après dans l'actualité des luttes. Je m'appelle Nadia Ménanger et me présenter, ce serait Ce serait dire que pendant 20 ans, j'ai animé une émission anticarcérale et j'ai fait partie de L'Envolée, le journal, et qu'aujourd'hui, je viens d'écrire un bouquin qui s'appelle « À ceux qui se croient libres » aux éditions L'Insomniaque sur le parcours d'un prisonnier social qui a fait 25 ans de prison, dont 13 ans d'isolement, et qui s'est battu tout le long de son incarcération. Et j'ai voulu publier, il s'est suicidé en sortant, j'ai voulu publier ses textes et donner la parole à des amis, encore à lui, encore détenu ou pas, pour essayer de comprendre qui il était et ce qu'il a pu vivre et les combats qu'il a menés. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les années 70, la population était plutôt constituée de prisonniers qui avaient fait le choix, entre guillemets, hein, de la délinquance. Je simplifie vraiment, quoi, parce que c'était une période où il y avait très peu de chômage. Dans les années 80, arrive le chômage de masse, avec toute une nouvelle population qui débarque en prison, souvent des jeunes dont les parents avaient été ouvriers, qui n'ont plus de place et en même temps, ils ne veulent pas de cette place que leur réserve la société. Après, bien sûr, il y a eu tout ce qui était toxicomane et aujourd'hui des tas de délits liés au délit routier, à la misère tout simplement, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas forcément conscience de la classe sociale à laquelle ils appartiennent et du système dans lequel ils vivent. Donc c'est vrai que dans les années 70 il y a eu beaucoup de luttes à l'intérieur de la détention. On la connaît relativement bien à travers les écrits notamment du CAP qui faisait un journal et qui était relayé aussi par des militants extérieurs. Dans les années 80 on connaît moins bien toute cette période-là. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire le bouquin, parce que j'avais beaucoup de plateformes de lutte, de témoignages, de prisonniers, et j'avais envie que les gens en prennent connaissance pour savoir les luttes qui avaient été menées à l'intérieur et à l'extérieur de la détention, sur quoi elles se menaient, les revendications qui étaient portées à travers ces mouvements, et quelles formes ils ont pris à cette époque-là. Pour un prisonnier, c'est extrêmement dur de prendre la parole. C'est pour ça que quand on lit un témoignage de prisonnier, il faut savoir qu'à l'intérieur, les prisonniers n'ont pas le droit de témoigner sur leurs conditions de détention. Et donc, à chaque fois qu'ils sortent un témoignage, c'est quelque chose de dangereux pour eux qui peut éventuellement les conduire au mitard. Donc, avoir une sanction, l'enfermement encore plus dur à l'intérieur de la détention. Chaque mot, chaque texte qui sort, c'est un cri de l'intérieur qui s'adresse à l'extérieur ou aux autres prisonniers pour dénoncer, pour crier contre leurs conditions de détention. Il faut savoir écouter aussi bien les sans-papiers, aussi bien les chômeurs, aussi bien les prisonniers, partir de ces réalités et de ces cris pour essayer de voir comment on peut les comprendre, comprendre les situations et se battre avec eux. Alors c'est « À ceux qui se croient libres », c'est aux éditions L'Insomniaque. Vous pouvez le commander dans toutes les librairies, il n'y a pas de souci. C'est dans les librairies, n'importe quelle librairie. Là, tu l'as republié. C'est pas exactement la même version. C'était quoi pour toi l'intérêt de le republier et pourquoi t'as rajouté certaines choses, d'autres ? Alors, quand je l'ai publié aussi, j'ai parlé des années 80 parce que c'était l'arrivée de Mitterrand, de la gauche au pouvoir. Et c'était pour moi indispensable de remettre en question, parce que bon, souvent, quand on parle de la gauche au pouvoir, on parle de l'abolition de la peine de mort, de la suppression des QHS. Quartier de haute sécurité, de l'isolement. Et voilà, c'est à l'heure actif, c'est quelque chose de positif. Et pourtant, on s'est rapidement rendu compte dans les années 80, et les prisonniers en ont fait largement les frais, et c'est pour ça qu'ils se sont révoltés énormément pendant toute cette décennie. Parce que le Parti socialiste a toujours été très fort pour manier le langage. Et du coup, à la fois, il a aboli la peine de mort, mais en même temps, il a mis en place les peines jusqu'à la mort. Et dans l'abolition de la peine de mort, son pendant, c'était les peines incompressibles qui vont aujourd'hui jusqu'à 30 ans. Donc ça veut dire une véritable élimination sociale. Et aussi la question de la suppression des QHS qui avait été dans les années 70 une des revendications extrêmement importantes des mouvements, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, ont été remplacées très rapidement, après leur arrivée au pouvoir, par les quartiers d'isolement. Et beaucoup de prisonniers à l'époque ont témoigné sur le fait que c'était exactement la même chose, juste les mots avaient changé. Et je trouvais que c'était intéressant de republier ce bouquin aujourd'hui parce que, bon, bah, à nouveau, on a les socialistes au pouvoir. Et avec la loi Taubira, qu'on a largement couvert avec Q lors de nos émissions, on s'est rendu compte que derrière les mots et cette volonté soi-disant de peine alternative à la prison, la contrainte pénale, enfin, ils appellent ça la contrainte pénale. En fait, c'était, même s'il y a eu pas mal de protestations de la part de la droite, c'était plus pour nous un jeu de mots, puisque dans la réalité, puisque cette loi est entrée en vigueur et existe déjà depuis plus d'un an, donc on peut en faire un peu le bilan. Et déjà à l'époque, de toute manière, on le sentait déjà comme ça, c'est qu'à la fois ce n'est pas des peines alternatives, mais des peines supplémentaires, et qu'aujourd'hui, le parti socialiste, qui n'est socialiste que le nom, a mis en place une série de peines qui permettent à la fois, puisque le nombre de prisonniers n'a pas baissé depuis un an, de à la fois incarcérer toujours davantage, puisqu'il y a encore des constructions de nouvelles prisons en perspective, et en plus de mettre en place des peines à l'extérieur, c'est-à-dire de permettre de mettre de plus en plus de gens sous contrainte pénale, contrôlés, surveillés, à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de prisonniers et en plus des gens à l'extérieur qui seront incarcérés. Donc on se rend compte que la prison déborde largement des enceintes, des murs et va s'élargir et faire de plus en plus de notre société une prison. Donc du coup, pour moi, c'était important de parler de ça parce qu'on en a très, très peu parlé et que du coup, pour moi, c'est extrêmement dangereux. Et on le voit, par exemple, par rapport aux assignations à résidence, qui est l'une qui fait partie des contraintes pénales, qui va permettre d'enfermer les gens chez eux avec un bracelet électronique ou pas. Et on a l'impression que vu que c'est hors des murs, c'est moins contraignant, alors qu'en fait, c'est extrêmement contraignant puisqu'avant, on avait des peines de sursis qui faisaient que la personne ne devait pas recommettre de délits dans ces périodes-là. Et alors que là, maintenant, elles ont tout un tas de contraintes de travail, de soins, d'assignation à résidence, de surveillance, de plus en plus des mairies, etc. Enfin, des offices HLM, la possibilité d'être surveillées, enregistrées, d'avoir des flics qui débarquent chez eux la nuit, etc. Enfin, bon, il y a tout un tas de possibilités aujourd'hui dont s'est doté l'État pour surveiller les personnes. Qui est extrêmement dangereux pour, on va dire, nos libertés, et que c'était important de le dire, quoi, d'en informer les gens. En fait, si tu veux, dans le bouquin, il y a à la fois, j'ai partagé le bouquin dans ce qui me semblait être hyper, hyper important, c'est-à-dire la question de l'allongement des peines. C'est-à-dire qu'on se rend compte que depuis les années 80, les peines sont de plus en plus longues. Il y a la question de l'isolement, et c'est aussi l'intro que je voulais faire. C'est que dans les années 70, pourquoi j'ai publié aussi ce bouquin, c'est que souvent, on s'arrête aux années 70. Le GIP, le CAP, toutes ces grandes contestations, cette remise en question même de l'existence de la prison, qui a complètement, petit à petit, s'est effacé. Et on n'en a plus une vision politique. Aujourd'hui, la prison, c'est un outil de gestion de la misère. Et puis, ma foi, c'est le moindre mal. Alors que dans les années 70, la prison, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait remettre en question au même titre que la société capitaliste. Et donc, du coup, voilà, je me disais que c'était important aussi pour les jeunes générations, puisque c'est une période que j'ai vécue et à l'extérieur, on a essayé de se battre avec les prisonniers en lutte pour continuer à défendre cette idée-là. C'est-à-dire à la fois que la prison, elle avait un but, c'est-à-dire de traiter, c'est un traitement de la misère, Et puis, elle permettait, pendant toutes les années 80, 90 et 2000, d'allonger les peines de prison, donc par différents procédés, et en même temps aussi de systématiser et de généraliser la question de l'isolement. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître dans les années 2000 et 90, 90 et 2000, la possibilité d'isoler de plus en plus les prisonniers les uns des autres. Et cette chose qui était absolument insupportable et inadmissible dans les années 70, et c'est complètement banalisé aujourd'hui. Et j'avais envie de reparler de cette question-là, puisqu'on a vu apparaître à la fois la création des QHS géants. On a vu la différenciation de plus en plus des régimes de détention basés sur la dangerosité des prisonniers. Alors souvent, on parle de la dangerosité des prisonniers. Dans les années 70, 80, 90, peut-être maintenant ça s'est un petit peu modifié, mais pas tant que ça. La dangerosité, c'était surtout la question des prisonniers qui contestaient, qui critiquaient, qui se battaient à l'intérieur. Et pour réduire leur lutte, les casser, eh bien, on les mettait dans des quartiers d'isolement. Et là, maintenant, on a mis en place, enfin, ils ont mis en place les régimes différenciés 1, 2, 3, 4, où selon leur comportement à l'intérieur, ils ont des régimes de détention plus ou moins souples. Ces régimes souples, avant, étaient pour tout un chacun. Mmh. Il y avait la détention normale et puis les quartiers d'isolement et les mitards. Mais maintenant, il y a différents régimes qui font qu'on a la porte ouverte le matin ou l'après-midi, ou le matin et l'après-midi, ou pas du tout. Ça dépend de ton comportement à l'intérieur, c'est-à-dire du fait que tu ne contestes pas, tu ne critiques pas tes conditions de détention. Voilà, non, c'est vrai que ce qui va être particulièrement intéressant, parce que moi je peux en témoigner au sens d'une lectrice, c'est cet apport véritable d'actualité en fait de la question de la prison dans la société contemporaine, là, maintenant, tout de suite, et donc le fait qu'effectivement on sorte de la prison comme le symbole d'un mouvement de lutte des années 70, mais qui en fait est identifié à un moment donné qui serait révolu. Et donc en fait, on nous donne les outils pour voir comment est-ce qu'il y a des transformations, il y a des luttes, ça continue. Et donc dans tout ton ouvrage, ce qui va se passer, c'est que oui, il y a des thèmes qui sont très importants, notamment celui de l'isolement, mais qui sont encadrés continuellement en fait d'expériences de lutte, qui donne aussi de la réalité à un rapport de force à l'intérieur, qui communique avec l'extérieur, parce que toutes ces expériences-là et toutes ces données-là, on les a à travers un travail de témoignage et de lettres aussi. Et donc, il y a en partie donc, cette question de donner une réalité politique incarnée qui va pouvoir traverser à travers cet ouvrage et qui nous est donné. Et puis, il y a aussi faire un lien véritable, nous montrer les liens véritables entre un intérieur et un extérieur dans la lutte. Question qui se pose encore maintenant, qui est véritablement primordiale en réalité et qui, de fait, par le lien intérieur-extérieur, va montrer tout au long de l'ouvrage comment les questions sur la prison, les différentes formes de discipline auxquels on va soumettre les prisonniers en intérieur, en réalité correspondent aussi à un schéma sécuritaire de discipline sur l'extérieur qui s'étend, qui se transforme et donc qui communique sans cesse. Et comment donc une fois de plus, et ça c'est pas la première fois dans l'actualité des luttes qu'on le dit, sur une lutte qui semble isolée, minoritaire, très spécifique, en réalité, on a des questions qui concernent l'ensemble de la société. Tout à fait, ouais. Quand à l'époque, on disait que la prison était le miroir de la société, je pense que ça reste tout à fait d'actualité. Il suffit de regarder les prisons, comment elles fonctionnent, qui y va, pour voir l'état d'une société en général. Et je trouvais que c'était assez intéressant de partir de ce sujet-là, qui était la prison, pour voir comment l'ensemble de la société s'est durcie et ne répond que aux mots de la de cette société, qui est profondément inégalitaire, par la répression et le tout sécuritaire. Et le tout sécuritaire, c'est à la fois le contrôle social, mais qui s'élabore dès le plus jeune âge. Enfin, je veux dire, on l'a vu dans les écoles, dès la maternelle, dans le travail, dans les hôpitaux, partout, dans la rue, les caméras, etc. Et l'aboutissement c'est la prison, mais ça peut être aussi l'exécution sommaire de la part des flics sur des jeunes et moins jeunes. Mais la prison, ça reste le bout où on enferme les récalcitrants et ceux qui ont pas pu parce que il y a un taux de chômage quand même considérable et de plus en plus important dans nos sociétés. Donc du coup, ça génère de la délinquance parce que la plupart des gens et les jeunes gens n'ont plus de travail. Donc il faut bien qu'ils se démerdent autrement pour arriver à survivre. Et puis, il y a ceux aussi qui ne veulent pas se plier au monde du travail tel qu'il existe aujourd'hui et qui sont obligés de trouver des chemins de traverse, d'autres possibilités pour pouvoir tout simplement survivre, vivre, payer son loyer, manger, se vêtir, etc. quoi. Et donc, du coup, regarder la prison, c'est regarder le monde dans lequel on est. Et là, je trouve que, c'est pour ça aussi que j'ai réédité le bouquin, je trouve que de plus en plus, la vie à l'extérieur est tellement dure qu'on oublie de regarder la prison. Et que ça reste quand même un baromètre important, intéressant, pour mesurer l'état du monde dans lequel on vit. C'est ça, notamment ce qui va être très intéressant, mais ce qui est dit d'ailleurs dans la présentation et redit dans l'introduction, c'est sur la question aussi de ce qui se passe dans la prison à partir des années 80, c'est mis en lien immédiatement avec le travail. Le monde du travail, le taux de chômage qui augmente en même temps que le taux de la délinquance et le taux des emprisonnements augmentent. Et donc ce qui va être assez, ce qui moi me plaît, et donc j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu dessus, c'est donc justement dans la présentation, tu dis prisonnier social. Tout du long du livre, et tu vas commencer le livre par expliquer qui est Thierry Chadby aussi, déjà, pour poser un peu le personnage, tu vas dire, il n'y a pas de... En fait, tous les prisonniers sont des prisonniers politiques. Alors, c'est une question qui a traversé pas mal le mouvement, et d'ailleurs dans les années 70, dès les années 70, où très rapidement... La question, c'était de quand on regarde la prison comme le miroir de la société, qui sont ces gens qui se retrouvent en prison ? La plupart du temps, ce sont des chômeurs, des précaires. Bon, à l'époque, souvent des gens issus des classes les plus défavorisées. Et je pense que c'est indispensable de reparler, de repartir de cette question-là. Parce qu'aujourd'hui, on parle de déviance, de problèmes personnels, d'itinéraire individuel, mais on oublie de replacer l'individu dans son contexte social et politique. Et pour moi, c'était indispensable de reparler de Thierry, de parler de Thierry, mais c'est parler à travers lui de l'ensemble des prisonniers. Thierry, son père, il est travailleur, il est ouvrier d'usine, comme le papa de Q, qui aussi témoigne dans le bouquin. C'est-à-dire que quand on regarde les itinéraires personnels de la plupart des prisonniers aujourd'hui, ils sont souvent issus des quartiers pauvres, issus de familles avec des conditions d'existence difficiles. Et du coup, c'est important de dire que les gens qui sont incarcérés sont des gens issus du prolétariat, du sous-prolétariat, et que peut-être qu'au lieu de construire des prisons, ce serait mieux en amont essayer de réfléchir à cette société qui fabrique de la délinquance. À l'intérieur, ce qui s'est posé immédiatement, c'est qu'il y a eu toujours une différenciation entre prisonniers politiques et prisonniers de droit commun. Et à travers les luttes, cette réalité, elle se chevauche. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où une personne commence à être en lutte, à critiquer ses conditions de vie, ses conditions d'incarcération, il devient un prisonnier politique. Il devient une personne politique qui contexte, critique, et à travers sa critique, pose l'état du monde dans lequel il vit et éventuellement son dépassement. Et donc, du coup, je veux dire, c'est dans cette dynamique-là, mais on la retrouve aussi bien à l'extérieur, à travers les luttes que nous-mêmes, d'ailleurs, on peut suivre, les chômeurs, les précaires, les sans-papiers, etc. C'est qu'à travers cette lutte et le fait de les collectiviser, de rencontrer d'autres gens qui ont les mêmes problèmes, les mêmes problématiques, les mêmes rêves, les mêmes envies, les mêmes désirs, il y a quelque chose de politique qui se met en place, et que du coup, cette séparation entre politique et droit commun n'a plus d'objet. Et c'est pour ça que, même stratégiquement, Je veux dire que, par exemple, dans les années 80, il y a à peu près 500 prisonniers, dits de droit commun, prisonniers sociaux, qui se mettent en lutte et qui posent le problème des conditions de détention. Et pour certains d'entre eux, dont Thierry fait partie, Q aussi, remettent en question l'existence même des prisons. Donc à partir du moment où on remet en question l'existence même des prisons, on remet en question aussi le système qui les génère et on essaye de proposer, d'imaginer, de voir comment on pourrait construire une autre société où la prison n'existerait plus. Et donc c'est cette dynamique qui m'intéressait et d'essayer de voir comment on peut arrêter de séparer les individus les uns avec les autres, c'est-à-dire d'un côté les blancs, l'autre côté les noirs et les arabes, les travailleurs, les non-travailleurs, les prisonniers politiques, les prisonniers de droit commun, pour voir ensemble ce qu'on peut arriver à construire. Et cette séparation, elle ne fait que diviser, et entre autres, diviser les forces qui peuvent permettre une construction d'une société différente. Donc c'est pour ça que c'était important pour moi de reposer toutes ces problématiques, parce que dans les années 70, pas dans un premier temps, mais après, quand les prisonniers politiques incarcérés ont fait cause commune avec les prisonniers en lutte, il y a eu un rapport de force qui a pu s'établir contre l'administration pénitentiaire. À travers ces luttes, était posée la question des régimes différenciés. C'est qu'à l'intérieur de la détention, il y avait d'un côté les détenus particulièrement surveillés, les autres, etc. Et puis cette demande de statut politique pour les prisonniers politiques. Alors que dans la lutte, à travers la lutte, ensemble, ils ont posé la question de l'abolition des statuts spéciaux. Et dans les statuts spéciaux, c'est-à-dire on est tous prisonniers, on est tous prolétaires, on est tous... Donc du coup, on est ensemble une force. Et donc du coup, dans l'abolition des statuts spéciaux, était inclus l'abolition du statut de prisonnier politique pour essayer tous ensemble de construire un rapport de force contre la prison et pour l'amélioration des conditions de détention. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire. Non, pour le coup, c'est super clair. Et du coup, on voit bien à travers c'est pour ça aussi que je trouvais que Thierry a des mots et une façon de poser les problématiques qui est éminemment politique. C'est-à-dire qu'il parle à la fois de son itinéraire, il se pose comme un enfant du peuple, enfin un prolétaire appartenant à une classe sociale ou en tous les cas une collectivité qui a intérêt à ce que ce monde change. Mais d'ailleurs, il y a cette espèce de collectivité, ne serait-ce même que ces questionnements collectifs à travers la diversité des positions des prisonniers, la manière dont ils se sont arrivés, me semble est aussi pas mal retranscrit dans le fait que, aussi bien on a beaucoup de lettres, de témoignages, de dessins de Thierry, etc., aussi bien on a justement différents témoignages de différents autres prisonniers qui ont fait un tour par la prison et qui, alors, d'une part, ce qui est surprenant, c'est les gens se connaissent. Donc les gens se disent « Ah, ben, on ne s'est peut-être pas croisés à ce moment-là, mais on se connaissait, j'avais entendu parler d'eux en se croisant au tribunal. » Donc on sent qu'il y a quelque chose où il y a du réseau, il y a des... Une reconnaissance, ouais. Ouais. Et je pense que cette reconnaissance, elle se faisait aussi bien entre eux, par le fait de se connaître et de lutter ensemble, et les transferts, puisqu'à chaque fois qu'il y avait un mouvement où les prisonniers étaient transférés, et du coup, c'était une arme de la pénitentiaire qui se retournait contre elle, puisque ça permettait aux prisonniers de bouger et de rencontrer d'autres prisonniers en lutte qui étaient eux-mêmes transférés dans toute la France. Je pense aussi que l'émission de radio qu'on faisait permettait aussi aux uns aux autres de mieux se connaître à travers les témoignages qu'on lisait à l'antenne, et puis aussi à travers les plateformes de revendication, ça permettait aussi aux prisonniers de se reconnaître les uns par rapport aux autres, de connaître ce que pensaient les uns les autres, et puis du coup, quand ils se retrouvaient dans les prisons, dans les différentes prisons, dans les différents quartiers d'isolement, savoir qui ils étaient. C'est ça, et donc il y a une espèce aussi voilà, de conscience partagée, en fait, de la place du prisonnier et des rapports de force à avoir avec la pénitentiaire, quelle que soit la manière dont on est arrivé dans la prison, ensuite dans le chemin qu'on a fait au sein de la prison, il y a ça qui se construit. Et ce qu'on va ressentir dans le bouquin, c'est que ça se construit effectivement à travers les luttes. Ensuite, face à ça, il y a la réponse, il y a la répression, et il y a donc cette profonde... cette individualisation qui est nécessaire pour la pénitentiaire à maintenir, à renforcer, individualisation qu'on va sentir à travers la transformation des conditions de détention qui nous sont données. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'on n'a pas juste des, voilà, des chiffres, un truc un peu abstrait. Donc la condition quotidienne des différents prisonniers, et qui effectivement semble correspondre aussi avec l'individualisation des individus à l'extérieur. Tout à fait. Ces dernières 30 années, si j'ai envie de pas être trop dépressive. Et en même temps, les outils donc concrets, et notamment donc l'isolement. L'isolement qui tue. Qui met à très très rude épreuve la psychologie des individus. À chaque fois qu'il y avait des luttes, le bouquin, je pense qu'il est important parce que, bon, comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup parlé des luttes des années 70 et très peu des années 80. Et pourtant, moi, j'ai tenu à faire une chronologie des luttes de 80 jusqu'à nos jours, hein, puisque j'ai réactualisé. Et on se rend compte que quasiment quotidiennement, il y avait des mouvements de lutte. Donc il y avait que ce soit des refus de plateau, des grèves de la faim, des refus de remontée de promenade, des mutineries avec des prisons détruites. Mais tout ça, c'était en permanence. Et je trouve que c'est important de le savoir pour pas arrêter l'histoire à la fin du CAP ou à la fin du JIP. Parce que après, il y a eu, même si les intellectuels ou le mouvement social, les partis, les organisations se sont très peu intéressés après les années 80, puisqu'ils étaient tous dans les couloirs à essayer de gratter un petit peu quelque chose auprès de l'institution et du pouvoir politique. Mais il y a eu cette lutte des prisonniers qui tentaient de traverser les murs. Et je trouve que c'était important de parler de toutes ces luttes. Et au fur et à mesure, l'administration pénitentiaire répondait par le mitard, entre autres, par les quartiers d'isolement. Et ça a détruit vraiment d'une manière tout à fait concrète les possibilités de lutte à l'intérieur. Thierry, par exemple, et il n'est pas le seul, loin de là, et je trouvais que c'était important parce que, par exemple, les prisonniers d'Action Directe ont beaucoup parlé de leurs années de quartier d'isolement à juste titre, mais ils sont loin d'avoir fait les plus longues années. Je veux dire, il y avait énormément de prisonniers en lutte dite de droit commun, des prisonniers sociaux, qui ont fait des années et des années et des années, et Thierry a fait 13 ans sur ses 25 ans, a fait 13 ans de quartier d'isolement. Et il fallait avoir vraiment une volonté de faire pour pouvoir ne pas être détruit par les quartiers d'isolement. Donc voilà, je voulais juste introduire le petit son qu'on va écouter maintenant. C'est ça, on va écouter Thierry qui nous parle des quartiers d'isolement. Des quartiers d'isolement, les quartiers d'isolement, j'étais à Metz, par exemple, il n'y a pas si longtemps, c'était en 2000, je crois, c'est 2000 que j'étais à Metz, ou de 90, il n'y a pas si longtemps. Je suis resté 18 mois là-bas. 18 mois, j'avais encore les cuillères en plastique, les couteaux en plastique. C'est-à-dire que la cellule, double grille, effectivement, j'étais seul dans le quartier. J'ai fait 18 mois sans rencontrer une personne. J'ai vu personne. Voilà. Et quartier d'isolement, j'ai fait à l'époque les QHS. Mais en parlant des QHS, à l'époque, au moins dans les QHS, il y avait des gens qui se battaient. Il n'y avait pas cet anonymat aujourd'hui. Aujourd'hui, on t'isole dans les maisons d'arrêt. On te dispatche dans la maison d'arrêt. Dans les grandes maisons d'arrêt, comme Fleury, c'est dispatché dans tous les bâtiments. Ça veut dire on t'isole, t'es isolé dans la masse. Donc, il n'y a même plus cette possibilité de réunion, de discussion, de combat, de combat collectif. C'est carrément livré à toi-même, quoi. Et si t'es faible, on te becte, quoi. Y a pas de... Alors, en parlant d'isolement, dernièrement, je suis passé par Bois d'Arcy aussi, il n'y a pas si longtemps. Et j'ai su que, juste après mon départ, il y a eu des bastonnades. Des potes à moi se sont fait tuer dans les coups, pour l'exemple, parce qu'ils refusaient simplement, ils refusaient des fouilles à corps, ils se sont fait tuer parce qu'ils refusaient la fouille à corps, la sortie de la cellule. Ça veut dire te mettre à poil, systématiquement, à chaque sortie de cellule, il fallait qu'ils se mettent à poil. Ils ont dit non, stop et fin. Ils se sont fait défoncer, ils ont été mis au mitard, ils se sont fait 45 jours de mitard, je crois. Enfin voilà, Tu avais tenté il y a quelques années, il y avait eu un mouvement fin des années 90 pour essayer de dénoncer, se battre, fermer les quartiers d'isolement. Mmh. Et certains prisonniers avaient tenté de prendre la parole et d'expliquer ce qu'était l'isolement. Et toi, tu disais que c'était quasiment impossible de décrire ce que peut être l'isolement. Et pourtant, il faut quand même tenter, même avec des mots, d'essayer de décrire. Mais même si, même en plus, je pense que c'est une réalité qui est de plus en plus perceptible pour nous à l'extérieur. Si cette réalité est perceptible pour vous à l'extérieur, j'ai le sentiment, et c'est grave ce que je dis, j'ai le sentiment qu'à l'intérieur, beaucoup de détenus ne se sentent même pas concernés par la question de l'isolement. Ça n'arrive qu'aux autres. Alors quand tu vois, quand on parlait de gens concernés à l'extérieur, c'est bien. C'est encourageant, on va dire. Mais quand les mecs qui sont dans la prison se sentent pas concernés, parce que concerné ça veut dire impliqué ça veut dire réaction, et on en est là, quoi. J'ai fait 6 ans d'isolement, qui s'en est inquiété? Bon, à l'extérieur, il y a un petit groupe dont vous faites partie, mais en règle générale, et dans la prison, qui s'inquiète des questions de l'isolement? Alors que l'isolement, aujourd'hui, ça concerne tout le monde, parce que aujourd'hui c'est pas simplement pour les évasions, pour des violences extrêmes. C'est-à-dire que tu contestes le système, t'es placé à l'isolement. Tu gigotes un peu, t'es placé à l'isolement. Aujourd'hui, t'as beaucoup de caps psychiatriques qui sont placés à l'isolement. On peut plus les gérer en détention, on les met à l'isolement. C'est la façon d'écarter les problèmes. On les shoot à tout va, à l'isolement. Et en dehors de tout, et après, ces gens qui sont livrés à eux-mêmes, qui n'ont pas de famille, pour beaucoup en centrale, bon, au bout des années, les familles, malheureusement, bien souvent, elles se sont fait la malle. Les femmes, elles n'ont pas pu suivre parce qu'il y a une question économique et la vie qui continue. Les gens sont livrés à eux-mêmes et on en fait des robots, on en fait des robots, ou alors carrément, comme on disait tout à l'heure, ou des fauves. Et après les fauves, on les fabrique. Et après, il faut gérer ça à l'extérieur. Alors comment fait la société après avec ces fauves qu'elle a créés? Le drame, enfin, c'est une réalité. Ça veut dire que dès que tu réfléchis en prison, dès que tu peux organiser une réflexion, tu peux discuter, tu peux commencer à structurer des trucs, on t'isole parce que t'es dangereux. En fait, t'es dangereux parce que tu penses. Et le vrai danger est là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut surtout pas, sur les mecs qui essaient de machin, il faut faire ça en trappeur et il faut se la jouer fine parce que y a tout le réseau d'informations autour qui fait que, voilà, effectivement, t'es dangereux. Et quand t'es catalogué, c'est fini. Moi, je me suis vu baluchonner combien de fois, alors que j'étais même pas organisateur, j'étais simplement, on vient me voir, on fait un mouvement, machin, ok, je suis, il n'y a pas de... Mais à partir de là, il faut des meneurs. De toutes les manières, il faut des meneurs. Donc on les fabrique, quoi. Quelque part, il faut justifier le... C'est assez étonnant, cette volonté systématiquement de casser toute forme de communauté, de communauté, de regroupement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment isoler... C'est la logique du système. C'est la logique du système. Tu te poses à eux si t'es en force, parce qu'on est dans le rapport de force. Faut pas se raconter l'histoire. La meilleure façon de le casser, c'est d'isoler les gens, bien sûr. S'il n'y a pas de rapport de force, si tu peux pas les casser, toi, tu fais quoi? Tu parles? Parle, bah c'est l'histoire, hein. Une démocratie, parle toujours et l'autre ferme ta gueule. Voilà, on en est là, quoi, malheureusement. Personnellement, je voudrais savoir où est-ce qu'on va trouver la force, c'est-à-dire pour ne pas sombrer dans la folie, dans les médocs, Non, mais c'est limite, la folie, jusqu'où tu restes normal? Qu'est-ce que la normalité? Qu'est-ce que la folie? Comment tu tiens? J'en sais rien. En restant conscient, en essayant de pas accepter, de rien accepter, de battre sur tout et tout le temps. Et ouais, tu restes debout, mais jusqu'où et comment t'es debout dans ta tête quand tu sors? Est-ce que tu sors de prison déjà? C'est un autre débat. Le 13 juillet 1968, je suis pris et mis en taule. Pour vol à main armée. À 4 heures du matin, je croupillais dans ma cellule. À coup de revolver, quelqu'un a crié. Ça sera pas long. et on continue à discuter avec Nadia du bouquin, donc de la réédition du bouquin que tu avais déjà écrit qui s'appelle « À ceux qui se croient libres », publié à l'Insomniac dans toutes les bonnes librairies possibles, facilement commandables. Donc on vous enjoint à le faire. Et là, on venait d'écouter justement Thierry Chadbi qui nous parlait de l'isolement, de son vécu de l'isolement et de la prison. Donc Thierry... avec qui, quelque part, tu as écrit ce livre, puisqu'il est principalement nourri de ses témoignages. Et pour appuyer un petit peu ce son, voilà, parce que c'est ça la radio, parce que c'est formidable, parce qu'on peut entendre la voix des gens. Même quand ils sont morts. Exactement. Effectivement. Et on veut lire un petit ouais, extrait. Parce que je voudrais dire que ce livre, c'est essentiellement la parole de Thierry, que j'ai pu récolter à travers les lettres qu'il a pu nous envoyer, les communiqués de lutte, les témoignages, les interviews, les dessins. C'est lui. Moi, j'ai fait que ordonner tout ça, les chapitrer et puis faire des petites introductions aux chapitres. Mais sans ça, c'est sa parole. Et je trouve que ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est aussi le fait qu'il arrive à décrire l'horreur, à décrire ce que c'est qu'être incarcéré sans jamais avoir un point de vue victimaire. Et donc, du coup, je voulais juste lire un tout petit passage sur la question de l'isolement. La haine au quotidien, c'est cette rage, ce désespoir, cette impuissance et aussi la peur de tes propres réactions. Ces poussées de rage assassines, difficilement contrôlables. C'est ton visage déformé que tu ne reconnais plus dans le miroir, incassable en plastique dur. C'est aussi la parano et la mégalo qui te bouffent, cette espèce de respect et de crainte sur la gueule du maton. La compassion et la haine dans ses gestes, dans ses verbes, ça transpire, ça dégouline, ça colle, ça pue. Ces couloirs vides, ces mouvements qu'on bloque, ces escortes, ces regards curieux, craintifs, ces sas, ces portes et doubles portes, ces fouilles et ces détecteurs de métaux, le canon des mitraillettes braqués sur toi, les gilets pare-balles, ces motards, ces sirènes hurlantes, ces flics en surnombre lors de chaque extraction. Voilà. Donc, je trouve que c'est quelqu'un qui avait vraiment une manière de parler de la réalité carcérale avec à la fois tout, ses tripes, son cœur, sa peau, son cerveau. Enfin, il arrivait à communiquer d'une manière vachement forte tout ce qu'il pouvait vivre et justement à expliquer ce que la prison provoque et ce qu'elle fait des individus. Et je pense vraiment qu'il faut se mettre ça dans le crâne, c'est que la prison, c'est pire, ça détruit un individu, ça le casse, ça le transforme, ça le rend haineux, ça en fait des bêtes sauvages, et on le voit encore aujourd'hui. Et vraiment, la prison, c'est pire que tout, quoi. Et il faut vraiment arriver à inventer, à travers les mouvements qu'on mène, hein, je ne fais aucune confiance en nos politiques et en nos responsables, c'est à nous de le faire dans les mouvements qu'on fabrique et qu'on construit, c'est vraiment essayer de construire une société aussi sans prison, parce que vraiment, c'est pire que tout, et ça n'arrange rien, et bien au contraire. Et construire une société sans prison, ça veut dire réfléchir à tout un tas de trucs sur la manière dont fonctionne notre société et en changer tout un tas. Et résultat, c'est du gros travail, mais je pense que c'est le bon outil à travers lequel le faire. Voilà, on parle beaucoup aussi, semblerait-il, de comment il y a une forme de communauté, d'humanité qui se récupère, en fait, dans le rapport de force, dans la lutte au sein de ces prisons, de comment, justement, c'est cette humanité qui fait le plus peur, au final même, à l'administration pénitentiaire, parce que c'est, en fait, en faisant de toi un robot, comme le dit si bien Thierry, que t'es le moins dangereux, parce que, concrètement, qu'on le veuille ou non, les matons, ils seront toujours moins nombreux que les gens qui sont incarcérés. Ouais, mais ouais, c'est vrai. Mais entre, il y a de plus en plus de murs, des séparations. C'est ça. Il y a aussi énormément de violences, puisque depuis 2003, il y a les IRIS qui ont été mis en place, donc qui viennent aider les matons en cas, même de choses très très banales, c'est-à-dire que le fait de refuser de regagner sa cellule, c'est immédiatement l'intervention des IRIS. Et les IRIS, ce sont un peu les bacs intérieurs, quoi. C'est-à-dire des gens cagoulés qui viennent avec des gazeuses, des tasers, des bombes de désencerclement, enfin avec tout un des outils coercitifs et qui peuvent éventuellement te tabasser en plus. Et on a vu quelque chose aussi apparaître au cours des années 2000 qui existait moins avant, c'est-à-dire que quand il y avait un problème à l'intérieur, une révolte. Il y avait le mitard, qui a toujours été l'une des revendications. Enfin, son abolition a été toujours une revendication des mouvements de prisonniers, ainsi que les quartiers d'isolement. Mais en plus, on a vu les quartiers d'isolement, les tabassages comme moyen de coercition. Et plus ça va, plus on voit aussi les procès, les jugements. C'est-à-dire que pour une insulte, on va se prendre 6 mois en plus, 1 an en plus, une mutinerie. Les outrages et rébellions. Voilà, comme à l'extérieur. Mmh. Et c'est des années supplémentaires. Dernièrement, on a reçu une famille où le prisonnier était entré pour 24 mois. Et puis, il se retrouve 9 ans après, toujours à l'intérieur, avec des procès au cul pour outrage et rébellion. Donc, il y a vraiment des outils coercitifs énormes à l'intérieur qui sont expérimentés pour après se généraliser dans notre société. C'est-à-dire que la question des tasers, elle a été expérimentée sur une prisonnière dans les années 2000. Donc on voit comment c'est un laboratoire, la prison, pour voir comment on peut pacifier et détruire ceux qui n'arrivent pas à être pacifiés, et puis après généraliser à l'extérieur tous ces outils. Notamment, j'ai envie de dire aussi, ce qui est intéressant, c'est la manière dont est traitée la question du travail dans les prisons. Dans ces différents témoignages, notamment dans l'expérience de Thierry, où à un moment donné, le travail est vraiment présenté justement aussi comme un des outils de gestion. La vie en prison est extrêmement chère. Les gens ne sont pas payés comme à l'extérieur du tout. Déjà à l'extérieur, ça pose un problème. Déjà à l'extérieur, c'est pas évident, mais alors le droit du travail, ça n'existe pas en prison. Donc on avait aussi pu recevoir des gens de justice sur ces questions-là dans l'actualité des luttes. Et donc on voit aussi, et ça c'est intéressant justement sur la question de l'intérieur et l'extérieur, comment le travail est utilisé comme un outil disciplinaire. Et comment est-ce que la vie chère est aussi utilisée comme un outil disciplinaire en réalité, et donc une voie de pacification soi-disant hors violence, alors que cette violence elle se transmet aussi à travers ces activités-là. Sur la question de l'actualité aussi des prisons, on a vu des nouvelles prisons se construire. Aussi, ça ne s'arrête pas. Carrément, depuis 1986, on n'arrête pas de construire des nouvelles prisons et du coup de les remplir, hein, puisqu'il y a quand même un doublement du nombre de prisonniers depuis les années 70. Et ça ne fait que continuer. Il y a eu, et c'est pour ça que je trouvais important aussi de refaire un peu ce livre, c'est que depuis la mort de Thierry, c'est-à-dire depuis 2007, on a construit une nouvelle prison. L'État les a vraiment pensées, puisque les peines sont de plus en plus longues. Il faut arriver à contenir ces prisonniers. Je veux dire, comment contenir des gens, des prisonniers qui n'ont plus d'espoir de sortie? Je veux dire, il faut inventer des systèmes d'enfermement qui permettent de contenir cette réalité. On a vu apparaître à Condé-sur-Sarthe, et il va y en avoir une à Vendin-le-Vieil, des prisons de haute sécurité où on enferme les prisonniers longue peine qui n'acceptent pas leur détention, qui cherchent à s'évader ou qui contestent à l'intérieur. Et c'est des prisons où il y a très peu de mouvement, où les prisonniers ne se croisent pas ou très peu, extrêmement confinés. Enfin, je veux dire, on est face à une situation, on construit des gens, parce qu'ils vont sortir, hein, ces gens-là, à un moment ou à un autre, mais dans quelles conditions ils vont sortir? Déjà, pour des jeunes gens, faire 6 mois de prison, ça peut être complètement destructeur. Donc après, quand c'est des peines de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans aujourd'hui, et plus, je veux dire, dans quelles conditions les gens sortent? Et après, on s'étonne que ça pète les plombs et que ça passe à des actions qui nous paraissent complètement insensées. Mais c'est aussi ce qu'on fabrique, c'est ce que l'État fabrique qui les rend des bêtes furieuses. Parce que là, on parlait beaucoup des jeunes gens qui ont fait des attentats et qui se sont radicalisés et qui ont fait des attentats ces derniers temps. On parle effectivement des milieux d'où ils sont issus, mais on parle très peu aussi du fait que ces gens-là ont été en prison. Et qu'est-ce qu'ils ont vécu en prison ? Et qu'est-ce que la prison a fait sur eux pour qu'ils soient qu'ils soient devenus ce qu'ils sont aujourd'hui ? Il faudrait peut-être aussi s'interroger sur sans du tout accepter ce qui s'est passé. C'est absolument insupportable. Mais en tous les cas, arrêter de traiter les conséquences. Essayer un petit peu de voir les causes des problèmes, c'est-à-dire la délinquance, le mal vivre, les conditions de logement, de travail dégueulasses, et aussi les conditions d'incarcération, les conditions coercitives à l'extérieur faites par les flics. Toutes ces choses-là, il va falloir un peu les regarder en face si on veut comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ça pose aussi la question du mouvement social aussi à l'extérieur, parce que c'est aussi lié les deux, c'est-à-dire que à l'extérieur, le mouvement social, il s'est dégradé. Et à l'intérieur des prisons, il n'y a plus ce qu'il pouvait y avoir justement dans les années 80-70, des mutineries. Et donc on voit bien que aussi les deux sont liés. Ouais. Et ça pose vraiment une question. Tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est vrai que depuis les années 2000, il y a moins de mouvements à l'intérieur. Alors quand les gens m'interrogent là-dessus, je dis oui, mais regardez à l'extérieur ce qui se passe. On comprend mieux du coup. Bon, on a décrit là les moyens coercitifs. Hein. C'est extrêmement dur de se révolter à l'intérieur de la prison. Hein. Et puis les moyens après qui sont mis en place pour réduire un mouvement, c'est absolument incroyable. Imaginez une cour de prison avec des grenades de désencerclement, des bombes lacrymogènes, des CRS, des IRIS qui rentrent là-dedans et qui tapent dans tous les sens. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou. Donc, quand des prisonniers se mettent en mouvement, il faut imaginer ce qu'ils sont en train de vivre pour avoir le courage ou à un moment le fait de ne pas pouvoir faire autrement que de se mutiner. Je veux dire, moi, à chaque fois que j'assiste à des procès de mutinerie, de mutins, c'est cette réalité-là que j'ai envie de mettre en avant, de dénoncer, quoi. Et à l'extérieur, les mouvements ne sont pas plus glorieux, je veux dire. Il y en a de moins en moins, et à l'intérieur, c'est un peu pareil. Et c'est vrai que ces dernières années, j'ai autant dans les années 70 ou 80, où les prisonniers remettaient en question l'existence même des prisons, aujourd'hui, on assiste plus à des mouvements qui demandent, en fait, que le droit soit appliqué à l'intérieur. C'est-à-dire la possibilité d'être rapproché de leur famille, c'est inscrit dans le droit, le fait d'avoir des soins médicaux décents. Enfin, je veux dire, on est où, là ? On est vraiment, même s'ils mettent des prisons ultra-modernes, ultra-sécuritaires, on est dans des conditions de détention, j'allais dire d'un autre âge, mais pas du tout, c'est tout à fait de notre époque, mais qui sont absolument scandaleuses. Les prisonniers, quand ils se révoltent, ils demandent juste l'application du droit. Je veux dire, on en est presque là. Il y a une réelle régression. Et en même temps, il faut être capable de regarder ça, d'essayer de comprendre, d'aller au-delà des mots qui sont donnés par la presse. Et c'est d'où l'intérêt de faire des émissions de radio, d'écrire des bouquins et de continuer à parler de tout ça, de continuer à faire passer hors les murs les témoignages des prisonniers, leurs revendications, parce que c'est absolument scandaleux ce qui se passe à l'intérieur et qu'il faut le voir réellement. Pas seulement imaginer les prisonniers comme des bêtes dangereuses, mais comme des hommes qui sont en train de traverser des situations insupportables. Moi, je propose qu'en fait, on termine cette émission justement avec la parole de Thierry sur la question des luttes. Cette idée, oui, de l'enfermement dans la tête de chacun comme pouvant être une solution aux maux, aux problèmes qui peuvent se poser dans nos vies. C'est-à-dire, réponse, il y a un problème, c'est forcément le flic, la justice, l'enfermement. Toi, jusqu'au bout quand même de ta détention, tu t'es quand même battu, malgré tout, même s'il y a peut-être de moins en moins de personnes à l'intérieur qui réagissent. Rassure-toi, je dis tout de suite, à l'extérieur, c'est pareil, mais ça ne nous empêchera pas de rester debout et d'ouvrir encore notre gueule. Comment tu vois, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ce qu'on peut continuer, en tous les cas, à faire, à dire ? Je pense qu'il est bien de communiquer, de transmettre effectivement ce qu'on ressent, ce qu'il en est vraiment de la prison, et de la prison est comme à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, en fait, le système gère les problèmes sociaux par la répression. Ça veut dire que voilà, que ça soit aujourd'hui les ouvriers d'usine Nord ou d'ailleurs, bon, ils sont sur le pavé. Aujourd'hui, tu bouges une oreille, tu te fais fracasser, quoi. C'est à Gênes, les mouvements intermondialistes à Gênes, on a vu les images. Ça a été une boucherie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, c'est la terreur. C'est-à-dire que t'es pauvre, tu gigotes, on t'atomise. Et dans la prison, c'est pareil. Ce qui s'est passé à Clermont et la menace implicite, même pas la menace directe du procureur, à savoir, vous en sortez bien, vous êtes vivant, vous êtes dans le box, on aurait pu vous péter. Donc voilà, ça veut dire aux autres détenus, on précise que voilà, demain vous bougez, on vous tire dessus, on vous tue. Voilà. Alors maintenant, gérer ça, je vois pas qu'est-ce qu'il y a à communiquer là-dessus. Ça paraît face à ça, comment tu fais ? Face à un fusil, tu fais quoi ? C'est-à-dire qu'on te met en condition de réagir, et si tu réagis, on te pète. Oui, madame. Il tourne en des milliers de pas qui ne mènent nulle part dans un monde de béton aux arbres de barreaux fleuris. T'es quand même venu pour présenter un livre, donc un livre qui a été republié il y a un mois, qui s'appelle « À ceux qui se croient libres », qui est à l'Insomniac, voilà, publié à l'Insomniac. Je peux présenter ce bouquin à partir du moment où on me le demande. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse de l'actualité des luttes que vous allez entendre sur notre générique qui démarre tout de suite pour inviter Nadia à présenter ce livre, véritable outil de lutte anticarcérale, mais aussi contre le tout sécuritaire qui nous touche tous tous les jours. L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes. N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info. Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel. Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedeslutte.info.